L'enfant de l'autre. Entre le départ de Jack et l'arrivée de Daphné, Faustine et Maxime sortent beaucoup. Les festivals de jazz battent leur plein. Quand Faustine ne plonge pas sous les tables à la recherche d'un verre de contact fugitif, hop, un coup de lampe pour désinfecter et retour sur l'œil, elle passe la plus grande partie de ses heures de repos à préparer des merveilles bien françaises ou suisses pour les repas canadiens organisés pendant les rencontres. En route pour l'un ou l'autre concert, il leur arrive de s'arrêter à Washington afin de visiter les marchands de vin situés sur M Street. Ils y découvrent quelques cuvées bien sympathiques. « Mais tu ne boiras pas tout à la fois, hein, ma petite bestiole ?»« Mais non, mon amour, bien sûr que non. » Elle essayera. N'empêche que c'est rassurant d'avoir sous la main le remède aux angoisses qui surgissent systématiquement quand elle s'y attend le moins. Au point de la laisser tétanisée au milieu de la cuisine, téléphone en main, tête vide, incapable de poursuivre son mouvement. C'est arrivé dans le passé ce genre de panique, mais jamais aussi fort que depuis le cambriolage. La seule chose qui la soulage partiellement dans ces moments-là, c'est un peu d'alcool. Alors elle prend ce qui lui tombe sous la main. Chez eux, le lave-vaisselle en panne fait office de cave. Parce que dans ces petites maisons préfabriquées, il n'y a ni cave ni grenier, et franchement, ça manque. Tiens, maintenant qu'elle y pense, métaphoriquement parlant, c'est comme s'il manquait à la fois un cerveau et des racines. Allez savoir à qui. Surtout, le lave-vaisselle est le seul endroit qui offre une température stable. Enfin, le temps que le vin y reste, bien sûr, parce que vu le manque de sérénité ambiant, les bouteilles n'y font jamais long feu. Il y a toujours une raison de boire, quoique Faustine ait promis. C'est pour ne pas faire mentir Maxime qui prétend bien l'aimer un peu pompette. Autre merveille qu'on ne dégote que dans la capitale, des baguettes fraîches, des croissants au beurre et parfois, gros coup de bol, un saucisson pour accompagner le coude rouge. Que demande le peuple ? Ça change des whisky, glaçons, labasses, des Bloody Mary, des gin tonic ou pire, des thés glacés, pêche au citron, qu'on sert dans les antres de jazz ou lors des concerts en plein air. Un jour, Maxime a même joué sur une terrasse du Watergate de sinistre mémoire. Bel immeuble au demeurant, mais froid et impersonnel. À propos d'espionnage, Faustine a une pensée émue pour John le Carré, dont elle a emprunté le dernier roman, « Les gens de Smiley » à la bibliothèque. Hélas, le vocabulaire étant trop complexe, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Elle a changé pour Patricia Highsmith, légèrement plus accessible. Tout ça pour dire que pendant certains contrats musicaux, elle s'ennuie comme un rat mort. Pourtant, si elle veut profiter de Maxime entre deux séjours en Europe, elle n'a pas le choix. De son côté, il supporte mal qu'elle ne vienne pas. Ceci dit, à part les membres de l'orchestre, rarement accompagnés de leurs épouses, elle ne connaît personne. Autre crève-cœur, ses vêtements manquent cruellement de classe et d'originalité. Son sens de l'esthétique en souffre. Elle préférerait mille fois ne pas être là que se sentir médiocre au milieu de tous ces gens bien vêtus. Elle ne se rend pas compte qu'elle est bien plus jolie que la plupart des femmes présentes. Pour tromper son mal-être, elle navigue de bar ouvert en open bar. Parfois, faisant diversion, un brave plouc entraîne sa femme entre les tables dans un rock endiablé, bousculant tout sur son passage. Faustine les observe avec un brin de condescendance. De l'exaspération aussi lorsqu'il bouscule les musiciens dans leurs élans enthousiastes. Un soir, Maxime a failli se fâcher tout rouge quand l'autre a donné un coup dans sa clarinette. L'anche heurtant ses gencives. Il lui a fait mal, ce crétin. De retour au boulot, Faustine a demandé à Bridget si tous les Américains se conduisaient ainsi quand ils étaient un peu éméchés. L'autre, gêné, n'a su que répondre et vite détourner la conversation, comme si elle voulait protéger ses compatriotes. Faustine a souri intérieurement. Lorsqu'on se veut maître du monde, on se doit d'être parfait, n'est-il pas ? Quelques jours plus tard, la jeune femme est venue déjeuner au bureau avec Maxime. Il aime bien qu'elle lui apporte son repas. Faustine passe sa matinée à lui élaborer des petits plats mijotés, histoire de faire saliver les autres nanas toujours au régime. C'est pas chic, mais qu'est-ce que c'est drôle d'exciter leur jalousie. Elles n'ont qu'à l'imiter, tiens, elles garderaient leur mari plus longtemps. Maxime, s'essuyant la bouche, interroge. Qu'est-ce que tu fais, mardi? Je suis libre. Chouette, tu pourras aller chercher Daphné à l'aéroport à ma place? Donald m'a imposé un colloque, je suis obligée de rester. Ok, ça me fera une balade. Elle va me reconnaître. Tu lui as dit à quoi je ressemble? Non, mais toi, tu la reconnaîtras. J'ai des photos au bureau, je te les montrerai en te donnant les infos du vol d'arrivée. Faustine, à la réception, attend que Maxime redescende avec les infos et la photo. Toujours curieuse, elle balaye le comptoir du regard. Une carte posée bien visiblement devant un vase attire son attention. Dvissy nous a fait nous rencontrer. Une fois en présence, nous nous sommes appréciés. Nous appréciant, nous avons évolué. Si Dvissy est le moteur de cette évolution, travaillons. Faustine sursaute. Cette citation, elle la connaît par cœur et pour cause. Maxime lui a écrit pratiquement la même chose au dos d'un disque. Le jazz nous a fait nous rencontrer. Une fois en présence, nous nous sommes connus. Nous connaissons, nous nous sommes aimés. Si le jazz est l'aliment de l'amour, jouons. La jeune femme trouve gonflé que Maxime se serve des mots d'amour qu'il lui a écrits pour flatter la réceptionniste. À partir de là s'insinue le doute que l'idée originale soit de lui. En opportuniste malin, il aura juste lu et mémorisé ces mots quelque part pour s'en resservir plus tard. Quand il arrive enfin, elle ne peut s'empêcher de lancer sarcastique. Comment ça se fait que tu aies repris le modèle du poème que tu m'avais dédié pour les filles de la réception? Bah, pourquoi changer une équipe qui gagne? Si c'est bon pour toi, ça l'est aussi pour elle, non? Après tout, tu auras eu la primeur. C'est ça qui compte. Rien n'est moins sûr, pense Faustine, qui cette fois préfère se taire. C'est comme si elle avait croisé une femme portant un bracelet identique au sien et réalisé soudain qu'il lui a été offert par le même homme. Heureusement, peu vindicative, elle occulte vite cette nouvelle entourloupe. Qu'attendre de plus d'un fils unique et égocentrique? Après tout, c'est elle qui a accepté de le suivre. Elle case néanmoins l'événement dans un petit coin de sa mémoire et il pourra toujours resservir plus tard. En attendant, elle prend la route de l'aéroport. Il fait beau, chaud, la capote est baissée. Faustine aime le vent qui la chahute. La musique à fond et le ronronnement du contour. Elle se sent incroyablement vivante. Daphné, fille aînée de Maxime, porte toujours sa pancarte autour du cou quand elle sort parmi les premiers enfants voyageurs du vol Nice-Londres-Dallas de 15 heures. Faustine s'empresse d'aller récupérer sa valise, puis les deux prennent la route de Warrington. Daphné, après un bonjour poli et impersonnel, n'en débloque plus une. Faustine tente de la dérider, de l'intéresser au paysage, à la région, elle lui pose des questions, mais la gamine serre les dents. Ça commence bien, pense la conductrice. Or, sitôt arrivée à la maison, la petite saute de voiture et demande où se trouvent les WC. C'était donc ça. 5 minutes après, elle ressort, le sourire jusqu'aux oreilles. Faustine interroge. Quand est-ce que tu y es allée la dernière fois? À la maison. Tu veux dire que tu viens de passer 15 heures d'affilée sans aller aux toilettes? Même pas dans l'avion? Tu avais tout le temps. Et à Heathrow, il n'y avait pas de WC? Ben, à Londres, la dame nous a montré un banc et dit de ne pas bouger de là. Elle est partie fumer et on ne l'a plus revue qu'au moment de l'embarquement. Après, dans l'avion, j'étais contre le hublot, j'ai pas osé déranger la rangée. Pauvre Daphné, c'est quand même incroyable qu'on laisse une fillette de 11 ans dans cet état. Ça va mieux maintenant? Daphné pousse un long soupir et sourit de soulagement. Spontanément, elle confie. Oui, ça va mieux, je suis bien contente d'être ici. Ça devient infernal avec maman à la maison. Tant que ça? Depuis que papa est parti, elle se laisse aller complètement. Elle ne fait plus rien et c'est sur moi que ça tombe. Elle boit des bières dans le jardin, couchée dans sa chaise longue, et elle se plaint tout le temps. Elle ferait mieux de s'occuper. Maintenant, il va falloir qu'elle prenne soin de ma sœur, c'est bien. Et nous, on va faire en sorte que tu passes de bonnes vacances. Moi, je dois travailler au restaurant, tu es au courant, je crois. Mais ton père m'a dit l'autre jour qu'il avait organisé un joli programme pour vous deux. Tu verras, ça va te réconcilier avec la vie. Faustine boit du petit lait. Elle ne s'attendait pas à une mise en confiance aussi rapide, fut-elle basée sur une triangulation. Bien sûr, ce serait mieux si ce n'était pas aux dépens de l'autre, mais elle ne s'en formalise pas trop, contente de ne pas être remise en cause ni sur la sellette. Dans la maison, tout a été organisé pour faire croire à l'enfant qu'il n'existe aucun lien affectif entre Faustine et son père. Elle en était sûre. La petite ne demande aucune justification quant à sa présence ici. Elle ne montre pas la moindre curiosité. Désireuse de respecter la volonté de Maxime, Faustine s'abstient de confidences. Mais elle sent que Daphné n'est pas dupe. La marâtre pige vite qu'elle est d'ores et déjà acceptée par sa belle-fille de 14 ans, sa cadette, et n'aura en conséquence pas à craindre de vendetta. Comme sa maman, russe pour moitié, Daphné possède un type slave assez prononcé. De beaux cheveux blonds, des pommettes hautes. Elle a hérité de son père les yeux glauques, légèrement globulés. Maxime a prévenu sa compagne. On ne lui octroie pas le prix Nobel d'entrée, mais c'est une enfant agréable, facile à vivre. Faustine voit bien que ce côté rêveur est dû à la timidité. Les hommes ont tendance à sous-évaluer ceux qu'ils dénigrent. Être le portrait craché de l'ex-épouse ne plaide pas en sa faveur. Faustine en sait quelque chose. En attendant, elle la sent gentille et vulnérable, cette gamine, totalement dépourvue d'animosité. Avoir l'entière attention de son papa pendant quelques semaines va contribuer à la rassurer. De fait, Maxime a pour ses filles des élans de bienveillance dont il prive souvent sa favorite. Le voilà qui rentre du bureau. Daphné lui saute au cou. À présent, la maison retentit d'exclamations, de rires et de projets sur fond d'Andrew Sisters. Faustine sourit, désormais détendue. Les semaines à venir promettent d'être riches en péripéties. They make you feel so very glad. Calypso sing and make a prime, guarantee you one good real fine time. Drinking rum and coca, coca.